Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, bienvenue au lycée professionnel. Une série de Perrine Kervran, réalisée par Doria Zénine et Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a des réformes qui ne passent pas, des lycéens à la lucidité parfois douloureuse et des profs de lycée amers mais dévoués. On les appelle les PLP et on ne sait pas assez qui ils sont. Alors pour commencer, les personnages. Un ancien prof devenu chercheur, un historien infatigable, une sociologue qui décortique, un sociologue à qui on ne la fait pas, des chercheurs qui déroulent la pelote et un prof qui est à bout. Ensuite, le décor. Une salle de classe, une exposition itinérante de la danse, du théâtre, de l'improvisation, des rires, la jeunesse et l'insolence, et les apprentissages. Aujourd'hui, troisième épisode, c'est la fin de la récréation. Mettez-vous devant, Wafé. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Les écouteurs, c'était s'il vous plaît. Ayman, bonjour. Bonjour. De la place. Là, il y a une place, Donc on va commencer par un petit visionnage d'une quinzaine de minutes d'un extrait de l'épisode du village français. PLP, les professeurs invisibles. Quelqu'un peut nous rappeler les enjeux là de ce qu'on est en train de traiter en histoire? Oui, l'idée était de montrer qu'un enjeu principal de la résistance, ça va être de créer un réseau unifié et de reconnaître De Gaulle comme chef. Qu'est-ce que nous disait De Gaulle? Sinon, la France, elle appartenir aux États-Unis. Appartenir, c'est peut-être pas exactement le mot, mais c'est l'idée. C'est quoi? Elle aurait été dominée, administrée, par qui? Les États-Unis et Angleterre. Par les alliés, États-Unis et Angleterre. Et donc on voit bien que cette unification et le rôle de Gaulle est absolument majeur pour préserver la souveraineté de la France à ce moment-là. Ce jour-là, j'étais venue au lycée Camille Genazzi, un lycée professionnel près de la Porte de la Chapelle qui enseigne la mécanique automobile et la logistique. Et j'ai commencé dans la salle des profs, celles et ceux d'histoire géo, lettres, éducation morale et civique, de maths et sciences, de mécanique, de PS, d'espagnol ou d'art appliqué. L'équipe est joyeuse, soudée, les vannes fusent, les profs bossent ensemble, partagent leurs pizzas, organisent des projets transversaux et ne cèdent jamais à la tentation de faire des cours au rabais. Ensuite, c'était histoire pour les terminales en logistique, et là, on entendait les mouches voler. Bien. Alors, je vous montre l'extrait en question. Est-ce que vous aviez bien noté dans vos cahiers le titre de la séance? Oui. Séance 4, donc ça, c'était hier. Ceux qui n'étaient pas là vous rattraperaient. Il s'agit donc de réfléchir sur la restauration de la République, je le rappelle. Alors, on va allumer le vidéoprojecteur, s'il vous plaît, Mohamed, vous pouvez. Vous montez sur la chaise, voire sur la table. Voilà, parfait. Merci. Là, on est en 1945. On n'oublie pas non plus que on a affaire à une fiction. En histoire, on se sert de la fiction pour essayer d'introduire des connaissances, de poser des enjeux. Ok, mais ensuite, on s'en distancie. Hein. C'est parti. Nous avons des questions graves à régler. En effet. À commencer par ces crevures de miliciens. Pas question qu'ils soient transférables de Vençon. Je leur ai donné ma parole. Vous avez eu tort. On a des gars armés qui ne les laisseront pas sortir de l'école. Je veux dire vivants. Ce sont vos gars qui ont saboté les camions. Je suis arrivée dans l'enseignement professionnel au début des années 80, tout à fait par hasard. Corinne Gleyman. Je savais même pas que l'enseignement professionnel existait, parce que c'était pas mon parcours scolaire. Et donc, j'étais maître auxiliaire en histoire-géographie. Et puis, les années suivantes, comme j'avais été affectée en lycée professionnel, une fois, on m'a réaffectée dans des lycées professionnels. en général sur des postes à l'année. Alors je ne savais pas à l'époque que la plupart de mes collègues refusaient, moi ça ne m'était pas venu à l'idée. Donc j'y suis restée, essentiellement par attachement. Vous pouvez nous dire ce que c'est maître auxiliaire ? Alors, maître auxiliaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des contractuels. Et on les emploie quand on en a besoin, on les licencie quand on n'en a plus besoin. Comme tous les profs d'enseignement général de lycée professionnel, j'ai échoué au CAPES, c'est pas la peine de mentir, hein, personne ne savait que ça existait. Et puis j'ai demandé un poste de contractuel, à l'époque on disait maître auxiliaire, et on m'a envoyé dans un lycée professionnel. Et j'ai survécu, parce qu'il faut parler dans ces termes-là, hein, c'était pas facile avec des jeunes. Ils avaient 17 ans, moi j'en avais 22, vous voyez, bon, c'était assez dur. Vincent Troget. On m'a balancé comme ça, aucune préparation, rien. Je suis arrivé dans ce lycée professionnel de Clamart, ils attendaient un prof d'emplaçant depuis un mois et demi, on devait être à mi-octobre à peu près, et donc je me souviens encore le proviseur qui m'accueille et qui me regarde, qui me dit « Ah, mon nouveau professeur de français !» Donc je me retourne, je dis « Ah non, moi c'est l'histoire géo », et bien « Non, non, vous enseignez les deux ici », on était un jeudi, et le lundi j'étais en classe, avec les manuels Donc ça m'avait un peu, je pense qu'il y avait un challenge aussi. Mais bon voilà, ça, je me suis accroché, ça a marché. Et à la fin de l'année, le proviseur m'a dit, il m'a testé d'ailleurs, il a attendu la fin de l'année pour me le dire, pour voir si j'allais survivre pendant un an. Et il m'a dit, vous savez qu'il y a un concours pour être ce que je ne savais pas. C'est donc très différent des profs de discipline professionnelle, qui eux, au contraire, sont dans une forme de promotion sociale, puisque soit ils choisissent à un moment donné d'enseigner leur métier, soit ils viennent de catégories en général intermédiaires, ils passent le concours. Donc eux, et puis ils enseignent leur métier, ils enseignent. Alors que les profs d'enseignement général ont un peu souvent l'impression d'être en mobilité sociale descendante, comme disent pudiquement les sociologues. Ce qui n'est pas complètement faux, si vous voulez. Et est-ce que vous, à l'époque, vous saviez, justement, avant d'y arriver, est-ce que vous aviez une image ou une idée de ce qu'était l'enseignement professionnel ? Non, j'ignorais totalement. Alors, vraiment totalement, je ne savais même pas que ça existait. C'était pas mon monde. Voilà, moi j'ai été à l'école, au lycée à Versailles, et puis ensuite au lycée français de Londres. Dans les lycées français à l'étranger, par exemple, il n'y a pas d'enseignement professionnel. Tous les élèves qui sont scolarisés dans les lycées français à l'étranger sont aptes à aller en seconde générale. D'abord, j'ai découvert des choses qui m'intéressaient beaucoup. Les relations avec les professeurs du domaine professionnel, qui étaient à l'époque très souvent d'anciens ouvriers, qui n'étaient pas des professeurs, qui étaient passés par des BTS. Ça m'a passionnée, puis ça posait des questions intellectuellement stimulantes sur la manière de faire passer des apprentissages à des élèves qui n'étaient pas forcément très réceptifs. Ça m'a interrogée aussi beaucoup, finalement, sur ma pratique et sur la scolarité que j'avais suivie, parce que le mode de scolarité que j'avais suivi ne pouvait pas fonctionner là. Et donc, je découvrais des différences que j'aurais jamais découvertes si j'étais pas passée par là. Ça va ? C'est à peu près clair ce que vous avez vu ? Oui ? De quoi ça nous parle, finalement ? Quels sont les enjeux de ce qu'on vient de voir ? N'ayez pas peur, hein, faites comme d'habitude. Vous n'êtes pas aussi silencieux d'habitude. Si on se met à la place des Français qui étaient dans la résistance à ce moment-là, à quelle tentation on serait soumis, nous aussi, comme eux ? Comment ça s'appelle, ça ? Est-ce que ça peut être de la justice, ça ? C'est pas de la vengeance. C'est se faire justice. Comment ? Vengeance. C'est de la vengeance. De la vengeance. C'est une forme de justice qui est en fait de la vengeance. Donc, enjeu très important, c'est restaurer l'état de droit. Et du coup, ça passe par la mise en place de tribunaux pour juger les collaborateurs. Alors, est-ce que c'est facile ? Leur avocat, il dit en fait, on ne peut pas les juger parce qu'en fait, en gros, ils ont été forcés de collaborer. Enfin, c'est Pétain, c'est lui qui leur a dit. Là, il a donné les ordres. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cet argument ? C'est légitime d'entendre ça ? On met la faute sur les autres. On met la faute sur les autres, c'est-à-dire qu'on se déclare irresponsable. Au bout d'un moment, j'ai quand même pris conscience du fait que quand ils étaient dans ma classe, si je respectais les normes ou le canon, si vous voulez, disciplinaire, donc les élèves devaient être assis, ne devaient pas tellement parler entre eux, devaient écrire, devaient se taire, ne devaient pas bouger. Et Quand ces élèves étaient à l'atelier, ils travaillaient systématiquement en plusieurs, travaillaient toujours en équipe. Ils géraient leur temps et leur circulation dans l'atelier. Quand ils en avaient assez, ben finalement, ils allaient se planquer dans un petit coin pendant un quart d'heure et puis ils revenaient. Donc, il y avait une souplesse qui était tout à fait différente. Et au bout d'un moment, ben, j'ai aussi adapté mon enseignement. Il fallait peut-être que moi aussi, je comprenne qu'ils pouvaient aussi fonctionner autrement et qu'ils n'avaient pas besoin d'être assis sur leur chaise, derrière leur table, en se taisant et puis en m'écoutant. Lui, là, t'es à 15h. Et l'autre, là, tu tournes ta pompe, tu la mets aussi, tu vois, 15h. Voilà. Ayouba, on va juste souder le... Je vais demander à monsieur... Dufour, juste pour souder le kata et puis me le remettre. Moi aussi, je peux le souder, monsieur. Juste le pape en attendant. Moi aussi, monsieur. T'as ta croix ? C'est que plaisir. Prends la croix. La croix ? Allez, vas-y. La croix du 22, allez, vas-y. Mets la rallonge, mets une rallonge dessus. La rallonge. Amis. Regarde Victor quand il est à peu près là. Tu lui dis, vas-y. Hein ? Tu te joues une baladeuse. Attends, viens m'expliquer, frère. T'as dit quoi ? Viens m'expliquer. Toi, t'as vu, moi, j'ai pas vu. Tu vois, il y a la. Le pape, là. La petite flèche. Parce que tout le monde est en train d'attendre là. Il y a le petit trait là. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit pas le repère ? Non, je le vois pas. Toi. Regarde, c'est clair. Attends. Il est en bas. Pousse la baladeuse deux secondes. Regarde. Ah, t'as tourné là déjà ? Là. Tu le vois là, juste à la baladeuse là. Ah, le trait là. Ça, c'est le repère mobile. Et repère fixe. Le repère fixe, tiens, regarde là, au carter. Là. Ah, ok, vas-y. Tourne. Mais mets-toi en face, toi. Mets-toi en face, c'est pour ça que tu le vois pas bien, moi. Mets-toi en face. Tu l'as ? Ouais. Alors, leur redonner un lien avec l'école, leur redonner confiance en eux, leur montrer qu'on pouvait faire des choses intéressantes. Donc, avec un enseignement quand même où on leur laissait. Plus de plage d'autonomie et puis surtout les écouter parce que finalement les écouter c'était s'apercevoir qu'ils savaient beaucoup de choses dont ils n'avaient pas forcément conscience, c'est-à-dire qu'ils savaient pas que c'était du savoir scolaire ou que c'était du savoir qui pouvait s'adapter aux exigences scolaires. Moi je me souviens d'une fois où on avait travaillé sur un texte de Pascal sur la grâce parce que le texte me plaisait et que je m'étais dit qu'on pouvait peut-être partager ce plaisir-là et bon, j'avais les élèves en groupe. Alors un premier groupe avait travaillé et puis je recevais un deuxième groupe et je me souviens d'une remarque d'un élève qui avait dit aux autres « Vous allez voir, on fait un truc, c'est génial, c'est très difficile, on comprend rien, mais c'est génial. » Alors ils comprenaient probablement plus que ce qu'ils voulaient bien dire, mais en tout cas, ils avaient aussi du goût pour la difficulté. Là, je suis en train de faire la question 19. Quelle incidence sur les institutions françaises la guerre d'Algérie a-t-elle ? Après, il faut que je trouve la réponse sur le panneau 13. Ok. On ne doit pas seulement déambuler pour relever des informations, on doit être capable de comprendre la logique de cette exposition. D'accord ? Moi, je ne comprends pas, il manque des élèves là. Donc finalement, on a dit quoi ? On est passé du passage de la 4e à la 5e République. Qu'est-ce qu'on a fait aussi que normalement, dans une démocratie, on ne devrait pas faire ? De donner une plus grande marge de manœuvre, non ? Alors, on a donné plus grande marge de manœuvre à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement. Il était plus libre de faire ce qu'il voulait. Où ça ? Partout ? Non. Surtout ça. Juste sur le territoire algérien. Oui. Et comment on appelle cette situation où le gouvernement a plus de pouvoir, il fait ce qu'il veut un peu. On l'appelle, c'est marqué là. L'état d'urgence. D'accord. Alors c'est quelque chose qui ressemble un petit peu, on le vit un peu nous aussi, hein, oui, avec les questions. C'est des choses qui sont encore actuelles. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? La censure. La censure, qu'est-ce qu'on a censuré après le document ? Des journaux, des trucs comme ça. Oui, des journaux, mais aussi des livres. Ouais. Par exemple, on a interdit la publication de livres. D'accord ? Oui, vous avez tout là. Vous avez plein d'éléments. Vous pouvez choisir deux ou trois de ces éléments à retenir pour expliquer que les institutions, elles ont subi des épreuves, justement, hein, pendant cette période. D'accord ? Ouais. Et en fait, vous avez vu, ça parle d'aujourd'hui aussi. Mmh. Les coquettes à pardon, je te rends. Casse-toi, vas-y, casse-toi. Voilà, ça y est, merci. Quand j'ai enquêté sur les élèves de lycée professionnel, évidemment, la première chose qui m'a frappé dans pratiquement 700 entretiens menés avec différents élèves, différentes formations, c'est la place prépondérante qu'ils donnent aux enseignants. Aziz Djellab, chercheur et inspecteur général d'académie. Pour les élèves, ils sont considérés comme ceux qui motivent, comme ceux qui, finalement, les mettent en confiance, qui parviennent, alors ils disent avec leurs mots, à être attentifs à leurs difficultés et en même temps à pouvoir aussi les faire réussir. Et donc, ils opposent nettement les professeurs de lycée professionnel aux professeurs de collège. Et donc, ces enseignants, je me suis posé la question, finalement, comment ils font avec ces élèves? Globalement, ce qui est frappant, c'est que ces professeurs de lycée professionnel ne sont pas en attente d'un élève idéal. Ce qui fait que ces professeurs sont parfois surpris d'avoir de très bons élèves. Hein, et ils vous disent finalement, on se demande ce qu'ils font ici. Deuxième caractéristique de ces enseignants, c'est qu'ils ne l'opposent pas fondamentalement éduquer et instruire. En bonne recrue de France Culture, issue d'une scolarité dans la filière générale, tendance histoire médiévale, non seulement je ne savais pas ce qu'était l'enseignement professionnel, mais je ne savais pas non plus que les profs des lycées pro, pour les matières générales, enseignent souvent deux, voire trois matières à la fois. Français, histoire géo et éducation morale et civique, ou alors maths et sciences. J'ignorais aussi que les PLP, comme on les appelle, ne passent pas les mêmes concours et ne suivent pas les mêmes programmes. Et je ne m'étais jamais dit qu'il devait forcément y avoir aussi des profs de mécanique, de coiffure, de charpente, de soudure, d'horticulture, d'épilation, de technique de vente ou de logistique. En fait, je ne m'étais pas vraiment posé de questions. Pas même la question de la longue histoire des profs de cette filière. Pendant très longtemps, la formation professionnelle, elle a été prise en charge par les entreprises. C'est en 1945, enfin 44-45, au moment de la libération, que l'enseignement professionnel s'est intégré dans l'éducation nationale. Donc on était dans un projet qui consistait à former le citoyen, l'homme et l'ouvrier. C'était la formule. Il faut voir que c'était un enseignement qui, à l'époque, s'adressait à des élèves qui avaient terminé le cycle scolaire de l'école primaire, puisqu'il n'y avait pas le collège. Donc, quand on a mis ça sur pied, on n'avait pas le personnel nécessaire. Donc, les professeurs de l'enseignement professionnel, c'était d'anciens ouvriers qualifiés. Et puis, pour l'enseignement général, il était assuré par les instituteurs du primaire supérieur, c'est-à-dire que c'était le même enseignant qui faisait le français, l'histoire-géographie, les maths et l'enseignement physique et sportif aussi, l'EPS. Alors, c'est toute sa problématique. Est-ce qu'il fait partie de ce qu'on appelait l'instruction publique, du ministère de l'instruction publique ou pas? Et il faut savoir que dès sa création, à partir de très exactement les années 1880, toutes les écoles où on fait de l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel dépend à la fois du ministère de l'Instruction publique et du ministère du Commerce et de l'Industrie. Guy Brussy, chercheur. Et puis en 1920, on les rattache à nouveau, et là exclusivement, au ministère de l'Instruction publique. C'est aller-retour parce qu'on ne sait pas... Alors derrière ça, vous avez des enjeux très puissants qui sont qu'est-ce que c'est que former un jeune, autrement dit, et là on est au cœur des débats qui sont à mon avis toujours d'actualité. Est-ce que former un jeune, c'est le former uniquement d'un point de vue professionnel pour le rendre très vite apte à être efficace sur le lieu de production et donc répondre de façon assez étroite finalement aux besoins d'un employeur, ou est-ce que c'est former un individu dans sa globalité, c'est-à-dire non seulement d'en faire un ouvrier qualifié, bien évidemment, mais d'en faire aussi un homme libre, d'en faire un citoyen. Donc on veut développer l'aspect citoyenneté dans la formation, et notamment, par exemple, on a longtemps enseigné, bon, je ne sais plus s'il existe toujours aujourd'hui, mais j'ai moi-même enseigné, il y avait tout des cours de droit du travail. Et je dois dire que moi, j'ai le souvenir que les cours du droit du travail enthousiasmaient délibérément les gamins. Bon, on avait affaire quand même à des adolescents, et ils découvraient qu'ils avaient des droits. Alors, il fallait tempérer, parce qu'il fallait bien leur expliquer que des droits, ça implique des devoirs, bien évidemment. Mais n'empêche que, et au CAP, au BEP, moi je me souviens, ils avaient des épreuves de droit du travail. Ils avaient une connaissance de base, mais en tout cas, de ce qu'était le droit du travail. Ça me paraît fondamental. Ça rentre tout à fait dans cette trilogie, former l'homme, le travailleur, le citoyen. Pleinement. Donc, Donc, à ce moment-là, on a eu besoin de davantage d'enseignants. Donc, on a créé des concours. Corinne Gleiman, inspectrice d'académie. C'était plus des instituteurs à ce moment-là, donc qui étaient nommés là, mais on a créé un corps d'enseignants, professeurs de lycée professionnel. Et là, ben, ils étaient bivalents, comme c'était d'anciens instituteurs. Donc, on a découpé français, histoire, géographie d'un côté, maths et sciences de l'autre côté. L'EPS est resté. À l'époque, la formation était plus importante qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les professeurs, quand ils passaient le concours, quand ils étaient recrutés, ils avaient 2 ans de formation dans ce qu'on appelait les ENNA, les écoles nationales d'apprentissage, qui étaient le lieu de formation de l'ensemble des professeurs du lycée professionnel. Et donc, comme c'était finalement un lieu de formation à part, ça a contribué aussi à créer une identité assez forte des PLP. Et aujourd'hui, comment se fait le recrutement des professeurs de lycée professionnel ? Toujours de la même manière. Je crois qu'aujourd'hui, on doit avoir 20-25% de contractuels. Vincent Troger. Et sinon, c'est un concours qui se passe comme tous les concours et qui se prépare en IUFM comme tous les concours. Simplement, la formation, comme je vous l'ai dit, il existait des écoles normales spécialisées qui s'appelaient École normale nationale d'apprentissage. Il y en avait 6 en France, dont une à Nantes, celle que j'ai faite. 2 à Paris, une à Nantes, une à Lille, une à Toulouse et une à Lyon. Et ces écoles étaient spécifiques, avaient des profs spécifiques qui connaissaient le lycée professionnel. Et donc, avec la création des UFM, tout a été réuni. Et comme les profs d'enseignement professionnel sont moins nombreux, les formations se sont diluées dans les UFM. Donc, c'est assez éclaté, c'est très divers, souvent. Donc, je pense que les formations sont moins pertinentes qu'elles ont été sûrement. Elles sont plus complexes. Enfin, ça dépend. Il n'y a pas de règles. Sinon, c'est toujours un concours. Et il y a beaucoup de contractuels, notamment dans les spécialités professionnelles. Eux, ce sont d'autres diplômes. D'abord, parce qu'il n'y a pas forcément de master de discipline professionnelle. Donc, en général, ils sont titulaires d'un BTS ou d'une licence professionnelle. C'est-à-dire qu'on est passé de professeurs qui avaient une expérience professionnelle, une connaissance, l'atelier du métier du travail, à petit à petit des enseignants qui sont beaucoup plus des théoriciens que des praticiens. Mais ça se module parce qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter. Donc, beaucoup de professeurs d'enseignement professionnel sont des contractuels, donc des gens qui viennent de l'entreprise. Joao Barbosa, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'a été votre parcours, ce qui vous a fait arriver professeur de lycée professionnel ? Au départ, par hasard, en fait. J'ai été élève ici. Moi, j'ai fait ma formation jusqu'au bac pro dans ce lycée. Je suis arrivé ici en 1994, je pense, ou 95, je ne sais plus. Et j'étais orienté en 4e technologique à l'époque et j'étais jusqu'au bac pro ici. Mon père était ouvrier, ma mère femme de ménage, donc ce qu'il voulait, c'est que j'ai un métier. Donc, ouais. Mon frère a fait ingénieur, moi j'ai fait bac pro mécanique. Donc, après, j'ai fait un BTS quand même, ce qui n'était pas gagné au départ. Mais pour en plus, le mécanicien, c'est un beau métier. Donc, Et pour vous, c'est un beau métier ? Bien sûr. Enfin, je ne le ferai pas là, à l'heure actuelle, mais c'est moins monotone d'être prof. Enfin, mécanique, c'est un peu... C'est les horaires, quoi. 8h, 5h, des montes, des pneus, des machins... Enfin, là, c'est quand même mieux, il y a un contact avec les jeunes, un contact avec des collègues. Et puis je gagne mieux ma vie ici que si j'étais dans un garage. Et je suis arrivé en tant que contractuel, en fait, avec des contrats, des CDD d'un an. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Ouais, puis après, j'ai passé le concours externe en 2008. Et je suis titulaire depuis 2008. Mais au départ, c'est complètement par hasard. Je savais même pas qu'on pouvait être prof... juste le BTS, quoi. J'imaginais qu'il fallait faire les concours, les grandes écoles, et blablabla. Et puis en fait, pas tant que ça. Première année compliquée parce que voilà, quoi, on est jeté un peu devant. J'ai été recruté un vendredi après-midi, j'ai attaqué le lundi matin à 8h. Et l'arbre à cames, du coup, tu vois, on voit bien le repère sur la poulie. Par contre, je vois pas en face de quoi il doit tomber, lui. Par sécurité, parce que celui-là... On le voit mal. Ce que je vais faire un petit repère Tipex. Tu vois ? Je me fais un petit repère Tipex dessus. Pour bien quand la gauche était au pouvoir, je pense que c'était l'époque de Jospin. Il y a eu le souci tout de même d'améliorer, je dirais, le statut des PLP. C'est là que les PLP ont intégré l'indice certifié. On a réduit aussi les horaires qui étaient dus, puisque un professeur certifié devait 18 heures face élève, un PLP de l'enseignement général devait 21 heures face élève, un PLP des disciplines professionnelles devait, je pense que c'était autour de 25 ou 26 heures. Ça a quand même modifié leur image d'eux-mêmes. Ça devenait là aussi un concours beaucoup plus attractif pour des étudiants de lettres ou d'histoire ou de géographie. Donc là, ça a profondément modifié. Les professeurs de lycée professionnels aujourd'hui se recrutent un peu plus parmi les classes moyennes, parce que si vous élevez le niveau de qualification de recrutement, forcément, vous, sociologiquement, ça a des effets. Et ils se retrouvent donc face à des élèves qui ne sont pas forcément, finalement, qui ressemblent pas, quoi. Hein, donc des élèves un peu éloignés culturellement. Et du coup, alors qu'historiquement, il y avait une proximité culturelle entre professeurs et leur public, et évidemment une proximité sociale, comme ils se recrutaient un peu plus aussi de milieux populaires, milieux modestes, là, finalement, la proximité culturelle et sociale a laissé place à ce que j'ai appelé une proximité de condition. Qu'est-ce que c'est cette proximité de condition? C'est le fait de dire que on enseigne dans un lycée professionnel qui est moins valorisé que les autres ordres d'enseignement. Il y a parfois des PLP qui enseignent en lycée professionnel alors qu'ils auraient bien voulu enseigner au collège et au lycée. Hein. Donc, il se crée une proximité avec les élèves qui est une proximité de condition qui devient un défi pour les enseignants pour dire « nous, on va les sortir de leurs conditions ». Et donc, c'est presque un militantisme pédagogique qui ne dit pas toujours son nom, qui existe dans les lycées professionnels. On est sur un public plutôt pauvre, quoi. Pas le mot pauvre, enfin, ils sont. Ouais, enfin, il y en a certains qui sont très pauvres. Il y a pas mal aussi de nouveaux arrivants, des jeunes migrants, beaucoup de gamins qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. Enfin, des élèves handicapés aussi qui arrivent depuis 3 ans. On a ça aussi, beaucoup d'élèves avec des handicaps qui sortent du collège, qui viennent de classes spécialisées de collège et qui atterrissent ici en CAP. Donc ça fait une espèce de mélange assez complexe. Bon. Et ça, vous avez l'impression que vous êtes formé pour ça? Pour les élèves handicapés, pas du tout. Pour les autres, ceux qui ne sont pas francophones, bon, on se débrouille, mais non, il n'y a pas de formation. Les CAP sont clairement destinés à l'heure actuelle aux élèves porteurs de handicap, aux élèves nouveaux arrivants en France, ce qu'on appelle les allophones, ceux qui ne parlent pas français. Enfin, clairement, enfin, ce sont des CAP dédiés, réservés, hein, clairement. Moi, la dernière, il y a 2 ans, donc 3 ans, section de CAP, sur 18 au départ, 12 avaient des dossiers, ils dépendaient de la maison du handicap. Donc, alors, c'est pas forcément du gros handicap, hein, c'est des handicaps de dyslexie, dyspraxie, enfin, tous les 10 qu'on entend parler, quoi. Tout ça cumulé, enfin, et c'est des gamins qui sortent de collège, enfin, le problème n'a pas été résolu, donc ils sont en échec en primaire, échec au collège, et puis ils arrivent ici, compliqué, quoi. Leur enseigner la mécanique, parce qu'il faut de l'esprit logique, il faut. Et certains étaient encore à confondre la gauche et la droite dans ce groupe de classe que j'avais il y a 2 ans, 3 ans. Donc, compliqué. Sur 2 ans, certains, juste leur faire arriver à faire démonter la roue proprement, c'était compliqué. Enfin... Par contre, ce groupe-là, pour le coup, ils étaient plutôt même motivés par l'automobile et la mécanique. Hein. Du coup, c'était vraiment une orientation choisie. Certains n'avaient juste pas les capacités physiques pour le faire, quoi. Plus vraiment et dans les CAP des cas de gamins qui sont là parce qu'il leur faut une place, parce qu'ils ont un suivi judiciaire ou parce que voilà. C'est des élèves qui sont souvent des blessés en fait du système scolaire et souvent aussi trop peu de références culturelles pour pouvoir mettre à distance en fait leurs propres affects. Et du coup ça fait que c'est un public auquel on peut donner énormément. Et qui est assez reconnaissant quand on a bien compris en fait que c'est là qu'on pouvait les accrocher, quoi. Prune Hébert, enseignante. Je me souviens très bien que la particularité du public avait été soulignée par mon formateur IUFM en disant voilà, vous ne vous habillez pas en jupe et vous ne tournez pas le dos à la classe. Bon, j'ai heureusement jamais suivi ces principes et ça se passe très bien. Moi, j'ai enseigné dans des conditions difficiles. J'ai eu le sentiment, en arrivant à Goussainville, de n'avoir pas été formée, finalement, pour le public que j'accueillais. Notamment, j'avais une classe de CAP-SM, abréviation pour structure métallique, qui concentrait des publics venant de SECPA ou venant d'arriver en France, avec d'énormes difficultés de lecture, On n'avait jamais appris à enseigner la lecture. Donc là, je savais pas comment faire. Et puis en plus, cette impuissance, elle génère pour une part une sorte de violence aussi de la part de l'enseignant, hein, qui se fâche. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais, quoi? Comment ça se fait que tu saches pas écrire? Évidemment, je sais pas si j'ai dit ça un jour à mes élèves, mais il y avait ça quand même dans mon impuissance. Comment on fait avec ça et comment on les prépare au mieux dans cette démarche, c'est un peu ça ce qu'on aimerait réfléchir avec vous. Alors, dans un premier temps, sauf si évidemment ça vous semble trop évident de traiter ces questions-là, c'est d'abord un peu sur une modalité qu'on a mise en place au cours, je crois, de la première journée, s'interroger sur véritablement les difficultés particulières de la compréhension des énoncés. Donc d'abord, quelles compétences sont mobilisées dans la compréhension d'un énoncé à l'oral ou à l'écrit, sachant que beaucoup des énoncés que nous formulons sont formulés à l'oral. Est-ce qu'on a conscience là d'une difficulté dans certains cas ou pas? Alors, du coup, librement aussi, intervient qui veut sur cette question en fonction de ce qu'il a envie de dire. Moi, ce qui me venait, je me disais la confiance en soi, en oui. premier point. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que 75 ou 80% du temps, ils sauraient répondre. Sauf que ils sont persuadés que de toute façon, ils n'auront pas la réponse, puisque ça fait des années qu'ils n'ont pas la réponse. Tu étais là quand on avait fait l'expérience d'impuissance acquise ? De résignation, tu sais, où je vous avais donné des... Oui, est-ce que c'est-à-dire, est-ce que c'est de cet ordre-là? C'est-à-dire qu'à force d'échouer, du coup, ils refusent d'essayer? Moi, il y a une certaine résignation dans le fait de se penser incapable. Donc c'est de l'ordre confiance en soi, motivation. Ok, donc ils sauraient répondre, tu disais, mais peur de l'échec. D'autres... Le cycle est terminé. Le gros cycle. Bravo. Apprendre à résister. C'est celui qui permet de. Vous avez votre. Diplômé. Vous êtes diplômé, voilà. Expert en élèves en difficulté. En arrivant dans l'Académie de Paris, un dispositif venait de naître. Qui était un dispositif de lutte contre l'illettrisme à l'époque. C'est un dispositif maintenant de maîtrise de la langue et des apprentissages. Et en fait, là, j'ai eu le sentiment de poser mes valises, c'est-à-dire de... voilà, il y avait des gens qui m'engageaient à réfléchir sur la mémorisation, sur le recours, en fait, à des compétences fondamentales, c'est-à-dire certains élèves n'avaient pas acquis des compétences qu'on acquiert normalement en fin de CE2. Ça ne voulait pas dire qu'ils avaient un niveau CE2. Ça voulait dire que il y avait des compétences fondamentales qui n'avaient pas été acquises et qui pouvaient, pour une part, alimenter leurs blessures narcissiques, mais aussi des difficultés à acquérir de nouveaux savoirs. Je suis du coup devenue formatrice aussi là-dedans. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'éléments permettant de savoir comment est-ce qu'on peut efficacement mémoriser. Bon, ça, c'est pas du tout enseigné, c'est quand même bizarre, quoi. Donc, et d'ailleurs, on s'aperçoit aussi que l'apprentissage de la compréhension, c'était en moyenne 8 minutes par semaine. Et en fait, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a tout un tas d'implicites, en fait, dans les modalités de construction des savoirs à l'école. Parce que, en fait, se demander, comment ça se fait qu'on déduise telle ou telle information d'une phrase où elles ne sont pas explicitement formulées, eh bien, ça relève en fait d'une part d'évidence pour nous tous qui fonctionnons sans jamais nous être posé la question de savoir comment est-ce qu'on comprend en fait. Allez, c'est parti, on sort son téléphone. rapidement que je n'ai pas à attendre 5 secondes devant chacun d'entre vous. Merci. Merci messieurs, formidable. Évaluation, compétences. Parfait. Il y en a d'autres, par contre, c'est moyen. Ok. Mourad, descendez. Et vous ne mettez pas les pieds sur les chaises, s'il vous plaît. Tarek, descendez. Parce que je vous le dis, j'ai besoin de vous. Ah, et oh, Tarek, ça va, c'est bon. Hein, c'est bon, on a dansé ensemble, Tarek, on s'est... Ça va, je vous ai sauté dessus quand même. Non mais, Mourad, vous redescendez. Vous allez aller à Florence, ils vont aller porter des chaises. Allez. Mickaël. Prune. Tarek. Mourad. Omar. Pati. Sahel. Lilou. Iliès. Valérie. Laurent. Benjamin. Ahmed. Bruno. Alors dans la réforme, l'année prochaine, visiblement, il va y avoir beaucoup moins d'heures, en tout cas une grosse réduction des heures dans les matières générales. Ça vous semble dommage ou ça vous semble au contraire, finalement, aller plus dans le sens de ce qu'attendent les élèves? Je ne sais pas si les élèves attendent ça. Hein. Les gens sont très forts pour interpréter ce que disent les gamins. Entre ce que veulent les gamins et ce qu'il leur faut vraiment, il y a souvent un gouffre. Hein. Clairement, les gamins, si vous leur dites qu'ils ne veulent pas aller en salle, mais je pense que du l'enseignement général, ils en ont clairement besoin. Ça leur fait pas de mal d'avoir un peu d'ouverture à la culture. Et les projets qui sont faits dans ce lycée avec les enseignants généraux qui les emmènent beaucoup au 104, beaucoup avec la philharmonie, avec la Villette, avec beaucoup de... Alors des frais, c'est vrai que des fois, il y a des réactions, ils veulent pas y aller, mais quand ils le font, ils sont contents de le faire, et puis ça leur montre quelque chose. Même si après, ils y retournent pas, c'est pas grave, moi, ils auront vu que ça existe. Il faut pas en faire que des monteurs de pneus, c'est ça, enfin... C'est bien qu'ils aient un peu, qu'on développe leur sens critique et qu'ils arrivent à se faire une opinion par eux-mêmes. Quoi. Et ça, je pense que en enseignement général, ils le développent beaucoup plus qu'avec moi en enseignement professionnel. C'est un lieu par nécessité, comme je disais, d'innovation, de changement pédagogique. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ces professionnels de lycée professionnel, et notamment les professeurs des matières technologiques et professionnelles, sont extrêmement soucieux du fait de mettre les élèves en projet, parce que l'enseignement de type descendant, il est extrêmement difficile à mettre en place dans les lycées professionnels, y compris dans l'enseignement général. Et donc, il y a une conversion cognitive qui se fait au gré, effectivement, des ressources dont ils disposent, du bricolage pédagogique au sens positif du terme, pour inventer, justement, des accroches des élèves. Hein, parce que ils savent bien que des méthodes descendantes, qu'un cours classique ne portera pas. Et donc, c'est la mise en activité qui anime un peu leurs préoccupations, tout en étant bien conscient du fait que faire... Ça n'est pas à apprendre. Cette histoire de l'innovation pédagogique en lycée professionnel, je trouve que c'est un peu une arme à double tranchant. Hein. C'est que je trouve que c'est un petit peu facile, vu de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire de l'enseignement général, de nous jeter notre innovation pédagogique un petit peu comme un os à ronger au chien, parce qu'on n'a pas autre chose. Et même l'innovation pédagogique, elle peut pas lutter contre des conditions qui sont exogènes, c'est-à-dire des élèves dans des situations familiales ou économiques extrêmement précaires, des élèves démotivés qui sont là sans avoir voulu y être et qui font tout ce qu'ils peuvent pour être présents le moins possible au lycée. Donc c'est pas facile d'enseigner dans ces conditions-là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on connaît Laurent et Lilou? On a fait plusieurs choses, comme de la danse, comme du théâtre. Et on a fait, avec Lilou, on a fait des chorégraphies. Et avec Laurent aussi, on a fait des jeux de théâtre. Des improvisations? Des improvisations, ouais. Comme par exemple se brûler avec une plaque chauffante. On s'étire, vous poussez pas du tout le plafond là. Hop, poussez. Et on relâche. Et on va enrouler la tête, lâcher la tête, regarder entre les deux pieds. et laissez tomber le poids de la tête vers le sol. Lâchez bien les bras, les épaules, pliez les genoux. On va jusqu'au sol, on pose les mains, on décolle les talons, on ne pose pas les genoux, on n'est pas contre. C'est bien. Voilà, et on a les genoux entre les deux. J'ai évidemment pris un peu de distance avec les tests de la reproduction. Non pas pour dire qu'elles ne sont pas valables, mais pour les relativiser, les nuancer par rapport à ce que j'ai pu observer. Des élèves qui commencent progressivement à prendre confiance dans les savoirs. Des élèves aussi qui, même s'ils adhèrent à la formation, peuvent aussi développer un esprit critique, donc ce qui montrait à l'évidence qu'ils ne sont pas totalement dominés. Des élèves aussi qui s'en sortent grâce à des pratiques pédagogiques qui ont été minorées par la recherche sociologique. Et du coup, ce qui m'a amené à interroger un peu, à faire l'hypothèse d'une émancipation sociale par l'enseignement professionnel, c'est aussi le fait que, pour beaucoup d'entre eux, ces élèves, ils reprennent confiance. Il y a une rupture qui se construit progressivement avec cette expérience douloureuse du collège, où les savoirs peuvent prendre sens, où j'ai vu des élèves, par exemple, passionnés par le théâtre, passionnés par des sorties au musée, et qui savent réinvestir ce qu'ils ont appris en allant faire une découverte du musée ou en travaillant, par exemple, sur l'image, l'histoire de l'image, par exemple, et qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à une époque. Et donc, ils font des liens. Et ça, j'ai vu des bonnes réalisations qui permettent un peu de peut-être prendre des distances. Il y avait un tableau misérabiliste qui consiste à dire c'est la voie des dominés, des exploités, c'est les élèves finalement, on n'en fait que des futures armées de réserve finalement au service du patronat, etc. Là, c'est beaucoup plus complexe et donc je soutiens et je défends cette idée que l'enseignement professionnel assure une émancipation intellectuelle, émancipation sociale des élèves qu'il accueille et qui pour bon nombre d'entre eux, historiquement, n'auraient pas pu atteindre ce niveau. Moi c'est moi, Tarek, c'est moi le porteur. Ok. Viens Tarek. C'est bon. Tarek, il n'y a aucun souci, tu peux le faire, tu peux sauter, vraiment, tu sais ça. Sauf qu'il faut que tu y ailles, vraiment. C'est bon, je rigolais. Pourquoi? Moi je le porte pas, moi. Alors. Silence. Messieurs, jusque-là c'était très bien. Allez, on continue. Commencez le froid contre froid, les deux mains, puis une seule main. Tu donnes ton poids trop vite. Ouais, voilà. Super. Revenez, ça allait Ahmed. Vous le ferez après, s'il vous plaît. On fait juste un petit point, on se rassemble un petit peu. En fait, ce qui s'est passé là entre Mourad et Ahmed, c'est hyper important. Parce que pourquoi aussi, moi, je vous fais travailler ça, pour les porter. Exactement. Je savais. Voilà, la confiance, ça se partage. Bah, du coup, c'est très bien qu'on termine là-dessus. Après, on va voir comment ça se goupille. Mais c'est hyper bien et hyper important d'avoir vécu cette expérience. Comment justement, vous avez l'impression que les lycéens vivent la relation aux matières générales, aux matières artistiques, alors qu'ils sont dans des filières professionnels et où pour certains ils ont qu'une hâte, c'est d'en finir avec ce qu'ils faisaient au collège et de travailler. Alors ils arrivent malheureusement un peu je dirais, bon j'emploie un mot un peu dur, hein, un peu détruit. Ils ont plus trop confiance dans le système. Rovena Vandeval, enseignante. Ils ont très peu confiance en eux. Et puis ils ont l'impression d'être dans une sorte de punition. À la fin, quand on est dans une logique de réflexion, de connexion avec les autres matières, ça devient un peu plus clair pour eux. Il faut vraiment décomposer à chaque fois. Et pour cela, vraiment être en pluridisciplinarité, c'est essentiel. Seul, moi, dans mon cours, toute seule, en fait, je me retrouve avec la classe... Voilà, où je vais amener un sujet dans leur tête, ils vont se dire oui, bon, bah, c'est de l'art, elle plane à la prof, le grand classique. Et puis au fur et à mesure, ils sont quasiment tout le temps là sur les projets. Ici, on est en 104, on danse, on s'ennuie, on joue, Vous n'avez pas l'air de vous ennuyer pourtant. Ah, parce que ça... Je ne veux pas le montrer. Et qu'est-ce qui vous plaît? La comédie. Avec Laurent. Moi, je fais ça parce que je suis obligé, mais sinon, si je ne serais pas obligé, je ne serais pas venu. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne va pas m'avancer dans ma vie. Alors, pourquoi vous aimez bien et que ça ne vous intéresse pas? Je ne comprends pas. Parce que je fais le Google avec mes amis, mais je sais que je ne veux pas y aller loin avec. Oui, vous voulez pas devenir comédien. Ouais. Mais ça vous intéresse quand même. Non. En gros, il y a des trucs ici qu'on peut faire, qu'on peut pas faire en cours. Par exemple. On va pas danser en cours. Bonnet. Ouais, capuche. Ici, c'est le 104. Hein. Là, tout est permis. Avec les loups et Laurent, on s'amuse à gogo. Vraiment, le principe des projets, c'est quelque chose qui, pour moi, au bout de... Ça fait 18 ans que j'enseigne. En fait, c'est essentiel. C'est quelque chose qui, finalement, va finir par prendre corps à la fin de leur cycle scolaire. Et c'est ce qu'on fait. On s'attache vraiment à faire ce travail-là avec eux. On est là un peu au bord de la réalité. En fait, on n'est pas dans le train de la... On n'est pas dans le train. Nous, on est au bord. On regarde passer le train. Et c'est vrai que ça, c'est quand même très, très perceptible chez eux. Et c'est assez terrible par moments. Ce qui m'intéressait beaucoup, justement, avec les élèves, c'était un petit peu ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire cette idée qu'on était les derniers, finalement, à offrir une éducation et un savoir scolaire avant que les élèves ne disparaissent dans la nature. Donc, on avait ce souci de les armer le mieux possible pour être comme ça, lâchés dans la nature, parce qu'ils étaient finalement pas si âgés que ça. Ils étaient encore relativement jeunes. On va reprendre l'exercice du crocodile, vous vous souvenez? Non, on l'a pas fait. Vous l'a pas fait? Si, on l'a fait. Si, on l'a fait. Bon, je vais vous le réexpliquer, c'est pas grave. Avec un dialogue. Je vous redonne la consigne de cet exercice. Tout le monde m'écoute? Vous y êtes? Donc ça, ce n'est plus mon foulard. C'est un crocodile. Il y a un dialogue. D'accord, ce dialogue, c'est... Ceci est un crocodile. Un crocodile? Non, tu dis un quoi? Un quoi? Ouais. Et là, je te réponds, un crocodile. Ah, un crocodile. Exactement. Attention, le A, il est hyper important. On le refait tous les deux, le dialogue? Ouais. Ceci est un crocodile. Un quoi? Un crocodile. Ah, un crocodile. Et là, je lui donne le crocodile. C'est lui qui devient la personne qui dit... Ceci est un crocodile. Lui, crée le crocodile. C'est toi qui prends la parole. Ok, attention, c'est pas aussi simple que ça. Je vais vous donner... une intention. Vous savez ce que c'est une intention? Hein, je vais vous donner un sentiment avec lequel il va falloir dire ce dialogue-là. Vous êtes prêts? Amoureux. C'est le plus beau sentiment dans la vie. Hein. T'as de la chance. On arrête de juger ce sentiment qui est le plus beau. Chut, silence. Peut-être ça part plus loin après, madame. Hein. C'est jamais. Hein. On y va. Ça va, bye. C'est un crocodile. C'est quoi? Un crocodile. Oh, les yeux doux! Pas mal, bien, merci, Bruno. C'est pas facile. Vous savez, c'est le sentiment qu'on a tous à nous quand on est comédien. On sait très bien, quoi. On est dans un monde de plus en plus tertiarisé où finalement ce qui compte, c'est quand même la maîtrise des discours. La maîtrise de la langue, que ce soit de la langue orale ou de la langue écrite. Donc en fait, si on n'accorde plus tellement de temps à ça, c'est compliqué. C'est pour cela que, quand je parle d'émancipation, l'émancipation, c'est pas un discours désincarné, c'est à partir de ce que les savoirs font aux élèves. Par exemple, des élèves qui disent « Finalement, je découvre que avoir des connaissances en histoire, ça me permet non pas de faire l'intello, parce que souvent il y a cette image péjorative de l'intello, mais ça me permet quand je suis dans une discussion, y compris de type professionnel, de savoir tenir une discussion et de montrer que je sais. Donc à travers leurs termes, ils disent finalement que savoir c'est aussi pouvoir d'une certaine manière. y compris lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Quand je vois la réduction drastique, alors je voudrais pas dire de bêtises parce que j'ai pas mémorisé les horaires, hein, mais la réduction drastique de l'enseignement de l'histoire dans les classes de CAP qui subsistent, ça interroge quand même sacrément. Pour moi, c'est un signe qui alerte, c'est-à-dire que on est très très loin de la trilogie former l'homme, le travailleur, le citoyen. Je pense que ce qu'on cherche surtout à former, c'est former le travailleur, et j'ajouterais former le travailleur malléable, discipliné, obéissant, point final. C'est vrai que c'est pas confortable d'avoir des gens qui ont l'esprit critique, mais c'est, à mon avis, la condition absolument indispensable pour avoir des gens performants. J'explique pour Doc qui est nouveau dans cette battle. Je peux dire. Ouais, vas-y, explique. S'il vous plaît, on m'écoute. Alors, en mode, il se passe quoi? Il y a Monsieur Florent, il va venir, il va donner un thème. Laurent, excuse-moi. Florent. Et il va donner un thème. Et en mode, nous, on va devoir donner un mot par rapport à ce thème. Et il faut pas s'arrêter. Si on bug, c'est out. Si on dit un truc qui a rien à voir, c'est out. Next. Vas-y. Ok, vous êtes prêts? On va montrer les différents thèmes. Ah, il faut penser à Sahel qui ne comprend pas toujours les thèmes et Bati non plus. Donc il faut donner des choses. En mode, je connais. Il y a les thèmes. Si vous entendez, je vais donner le thème toujours en premier. Si vous le comprenez pas, vous me le dites, d'accord? Là, on va partir sur le thème des vacances. On commence là et on va dans ce sens-là. Plage. Soleil. Californie. Transat. Ski. Pique-nique. Siesta. Mojito. Lunette. Plage. Ah, c'est déjà dit. Ah bah là, on sort bien du cercle, là. On est vraiment punis. Ok, second thème. La mécanique. Oh merde, j'ai pas dit ça. On commence par toi et on va dans ce sens-là. Pot d'échappement. Moteur. Voiture. Clé à molette. Au revoir. Attention. Sport, vous êtes prêts? Il y a plein de sports. La rue. Attention. 3, 4. Now I wonder how I can swing again within your lover. Mine's dead, he is gone, 'cause of the love affair. Blood on the floor, it was a monster. I'm not a mugger, not a deserter. They call me for a monster. I am a murderer, a murderer. I killed my love. I am a murderer, a murderer. And now he's gone. Merci à Corinne Gleyman, Revena Van de Val, Prune Hébert, Aziz Djellab, Vincent Troget, Guy Brussy et Joao Barbosa. Merci aussi au lycée Camille Genazzi et au 104. Avec un petit coup de main de Zineb Souleymani, Archivina Clarimonac et Manuela Dubessy, prise de son Cyprien Creton, François Rivalan, Yvan Turc et Laurent Lucas. PLP Les Profs Invisibles, un documentaire de Perrine Kerbran, réalisé par Doria Zemmour. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter dans la salle des profs, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivona Bolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, petite histoire de l'enseignement professionnel. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, Une vie, une œuvre, L'expérience, Une histoire particulière et Les pieds sur terre.